Regarde la télévision, et puis tant. Regarde la télévision, et puis tant. Regarde la télévision, et puis tant. Regarde la télévision, et puis tant. Wow, oh, wow, oh. Nous on aime, par-dessus tant regarder la télévision. C'est le premier truc qu'on fait de retour à la maison. Un collapse sur tous les programmes qui passent au cartable. Nous on ne l'ouvre que en classe. La télévision, c'est notre meilleur ami. Nous on la regarde tout le temps même comme un manque qu'on interdit. On se colle sur le canapé avec la bouche ouverte. Et quand l'école est terminée, bah là c'est la grosse fête. Regarde la télévision, ouais puis dors. Regarde la télévision, ouais puis dors. Regarde la télévision, ouais puis dors. Regarde la télévision, ouais puis dors. Oh oh oh oh. Amour, gloire et beauté, c'est dépassé. Nous, ce qui nous fait kiffer, c'est les jeunes bourges de série B. Brian et Steven, ils sont trop beaux, le torse nu. Mais c'est dommage pour eux, car Kimberley les fait cocu. La 1, la 2, la 3, la 4 et puis la 6. Nous, on est penchés dessus, en continu. Plus laisser les passer, plus s'allonger notre liste. Nos parents, ils ont tout lu, bah nous, on a tout vu. Haga la télévision, ouais, puis dort. Haga la télévision, ouais, puis dort. Haga la télévision, ouais, puis dort. Haga la télévision, ouais, puis dort. On est tombé dedans depuis l'enfance. Du temps de nos parents, elle avait pas autant d'importance. Twix et Coca, on va finir rebelle sur la balance. Du coup, c'est sport à gros vent, coller une vacance télé comme un roman. Regarde une dernière fois télé, car à partir de demain fini, mes séries préférées. Maman sur la souquet de la gare, et moi dans le train. Et pour me donner les choix, moi je chanterai ce refrain. Regarde la télévision, ouais, puis dors. Regarde la télévision, ouais, puis dors. Regarde la télévision, ouais, puis dors. Regarde la télévision, ouais, puis dors. Oh, oh. La zapette, là, vas-y, passe-moi la zapette. Tiens, merci. C'est comme ça, c'est la vie, hein. Tu sais, dans la vie il y a des déceptions, il y a des satisfactions. Bah t'as qu'à zapper, tu verras bien ce qu'il y a d'autre. Ok.